Bienvenue à la Croix-Rousse, sur cette fameuse colline qui travaille de Lyon. Alors, si vous levez les yeux, juste là, devant vous, eh ben, y a cet immeuble. Mais attendez, c'est vraiment juste un immeuble? Ou c'est pas plutôt l'illusion incroyable de tout un quartier, là, qui s'offre à nous? C'est une bonne question. Ce qu'on regarde là, c'est tout simplement la plus grande fresque en trompe-l'œil d'Europe. Faut imaginer la surface. 1200 mètres carrés. C'est énorme. C'est l'œuvre, oui, l'œuvre magistrale de Cité Création. Ces artistes lyonnais, on les connaît bien pour leurs murs peints. Tout à fait, une coopérative très réputée. Et cette fresque, elle date de 1987, mais un peu comme un être vivant, elle a été rafraîchie, mise à jour en 97, puis encore en 2013. Oui, elle a évolué. Et comprendre ce qu'elle raconte sur la vie de ce quartier emblématique et sur l'histoire de ceux qui lui ont donné son âme, les Canuts. Prêt pour cette plongée visuelle. Ah oui, absolument. Et c'est bien plus hein, qu'une simple décoration murale. Cette fresque, elle touche vraiment au cœur de l'identité lyonnaise. C'est ce qu'on sent, oui. Le thème central, bien sûr, c'est la vie des Canuts, ces fameux ouvriers de la soie du 19e siècle qui ont fait la renommée de Lyon. Mais c'est aussi, comment dire, une capture de l'esprit, de l'âme de ce quartier si particulier, la Croix-Rousse, hier et aujourd'hui. D'accord. Et ce qui la rend si captivante, je trouve, c'est ce dialogue constant entre le réel et l'imaginaire. Voyez comment les éléments architecturaux bien réels du bâtiment, oui. Certaines fenêtres, des volumes, des encadrements, eh ben, ils sont intégrés et prolongés par la peinture. Le vrai et le faux, ils s'entremêlent avec une habileté assez confondante. C'est vrai que l'illusion est bluffante au premier regard. Comment on pourrait l'aborder pour, disons, ne rien manquer? Par où commencer cette lecture? Ben, je propose une approche assez simple et logique. On pourrait commencer par balayer du regard la partie basse, là au niveau de la rue. D'accord. Et puis, on laisse notre regard monter progressivement, comme si on grimpait la colline peinte, hein, en explorant les différentes sections de gauche à droite. Ça me paraît bien. Mais peut-être avant de plonger dans les détails de la fresque elle-même, un petit mot sur ce qui lui donne son nom, son thème. Qui étaient exactement ces Canuts? Ah oui, excellente idée. On entend tout le temps ce mot « canu » à Lyon, mais qu'est-ce qu'il veut dire précisément? Alors, le terme « canus », ça désigne spécifiquement les maîtres artisans tisserons de la soie lyonnais au 19e siècle. Maîtres artisans, d'accord. Oui. Ils ne travaillaient pas dans de grandes usines, mais chez eux, dans leur propre atelier qui était intégré à leur logement, ici même, sur les pentes et le plateau de la Croix-Rousse. Et ces logements, ils avaient une caractéristique architecturale très précise, qu'on devine d'ailleurs sur la fresque. Ah oui, laquelle? Je vois beaucoup de hautes fenêtres, non? Exactement. Des plafonds très hauts, souvent autour de 4 mètres. 4 mètres? Oui. Et cette hauteur, ce n'était pas un luxe, hein, c'était une nécessité technique. Il fallait pouvoir loger les métiers à tisser qui étaient imposants, notamment les fameux métiers jacquards. Ah, les jacquards, oui. Ces bijoux de mécanique inventés ici, à Lyon. Ils permettaient de créer des tissus avec des motifs très complexes, d'une richesse incroyable. Et ces hautes fenêtres, eh ben, elles servaient à maximiser la lumière naturelle. Indispensable pour travailler la soie, j'imagine. Indispensable. Pour travailler les fils, souvent très fins, très délicats, et puis pour distinguer les couleurs avec précision. Donc l'architecture même du quartier est directement liée à cette activité de tissage. C'est fou, ça. Tout à fait. Et cette activité, elle a aussi forgé une identité sociale très très forte. Faut pas oublier que la Croix-Rousse, ça a été le cœur battant des grandes révoltes des Canuts. Oui, 1831, 1834. Exactement. Et ce ne sont pas des simples émoutes, hein. Ce sont des soulèvements ouvriers majeurs parmi les premiers de l'ère industrielle. Ils luttaient pour des tarifs décents, pour leur dignité. La fameuse devise. Vivre en travaillant ou mourir en combattant. Voilà. Donc si on devait résumer les Canuts, expertise de la soie, travail à domicile dans ses ateliers en hauteur, et puis une conscience de classe très forte. Une fierté ouvrière teintée de revendications. Tout ça, ça infuse l'esprit du lieu et, par extension, l'esprit de cette fresque. C'est très clair. Histoire et architecture vraiment liées. Et techniquement, comment Cité Création a réussi ce tour de force? Créer cette illusion de profondeur, de vie sur un mur qui est plat. C'est ça le fameux trompe-l'œil? C'est exactement ça. Le trompe-l'œil, c'est l'art de l'illusion visuelle. Ça joue avec les lois de la perspective, les lignes de fuite, les points de vue, mais aussi beaucoup avec la lumière et l'ombre pour donner cette impression de relief saisissante. Comment ça, la lumière et l'ombre? Eh ben, l'artiste peint des ombres portées, des reflets, des détails architecturaux qui semblent ressortir, alors qu'en réalité, tout est parfaitement plat. C'est un vrai défi à notre perception. Et ici, sur ce mur immense, comment ils ont fait concrètement? L'intelligence de Cité Création, je trouve, c'est d'avoir su intégrer les éléments architecturaux réels du bâtiment. Ah, ils ne sont pas partis d'une page blanche. Non, justement. Ils ont utilisé les vrais encadrements de certaines fenêtres, les volumes existants, parfois même de vraies ouvertures ou des balcons. Et ils ont construit autour un bâti imaginaire qui prolonge le réel, qui se fond avec. C'est ce mélange subtil qui rend l'illusion si convaincante. D'accord. Faites l'expérience d'ailleurs. Si on se déplace un peu sur le côté, devant la fresque, oui. On voit certaines lignes peintes qui semblent se casser ou se déformer, tandis que d'autres vont s'aligner parfaitement selon l'angle. C'est normal. C'est la preuve que notre œil est trompé et qu'il participe activement à créer l'illusion en trois dimensions. Fascinant ce jeu entre l'artiste et notre propre regard. Alors, allons-y. Commençons notre exploration par le bas, comme vous disiez. Au niveau de cette rue peinte, qu'est-ce qu'on y découvre? Alors, au ras du sol, là, la fresque nous plonge dans une scène de vie de quartier. Très réaliste. On voit des boutiques, des commerces, des choses qui pourraient exister aujourd'hui, en fait. Regardez par exemple cette vitrine de la Banque Populaire. Oui, je la vois. C'est un clin d'œil direct à la vie économique quotidienne du quartier. Et c'est aussi un repère intéressant. C'est près de cette partie peinte que la fresque a été un peu vandalisée en 2016. Une petite déchirure, mais vite réparée, heureusement. Ça montre aussi la fragilité de ces œuvres. Bien sûr. Et juste à côté, ah, mais je crois reconnaître une autre figure emblématique de Lyon. Oui, c'est ça, le petit théâtre de Guignol. Bien vu. Sa présence ici, au rez-de-chaussée, elle n'est pas anodine du tout. Guignol, cette marionnette impertinente, gouailleuse. Un vrai Lyonnais. Exactement. Il est né ici, dans ce quartier populaire au début du 19e. Il incarne l'esprit lyonnais, un mélange d'humour, de bon sens populaire et puis une certaine tendance à la contestation. Comme les Canus, finalement. Un peu, oui. L'intégrer ici, c'est comme un écho direct à cette identité fière, parfois revendicatrice des Canuts. C'est ancrer la fresque dans la culture profonde de Lyon. C'est une belle connexion, en effet. Et autour de ces points fixes, l'ambiance générale de la rue, elle est comment? Observez bien la scène. On voit des passants qui marchent tranquillement. Certains poussent une poussette, d'autres échangent quelques mots. Il se dégage une atmosphère très calme, presque routinière, on pourrait dire. C'est un choix, ça, de la part de Cité Création? Oui, un choix délibéré. Pourquoi ce choix de l'ordinaire, en quelque sorte? On aurait pu imaginer une scène historique, peut-être plus spectaculaire? Oui, mais c'est là, je pense, une des clés de lecture de l'œuvre. L'intention, ce n'était pas de créer un monument figé, une reconstitution historique ou une glorification un peu passéiste. D'accord. Il s'agissait plutôt de capturer l'âme vivante du quartier. Son pouls quotidien, tel qu'il est ressenti par les habitants. C'est une célébration de la vie ordinaire qui continue, des générations qui se succèdent sur cette même colline. Le vrai monument, finalement, c'est la vie du quartier elle-même. Je comprends mieux. C'est une approche plus subtile et peut-être plus touchante. Alors maintenant, si on laisse notre regard monter, impossible de rater cet immense escalier central. Il domine tout. Ah oui, cet escalier monumental, c'est vraiment l'épine dorsale de la fresque. Il structure tout l'espace, il attire le regard vers le haut. Il symbolise à la fois la topographie en pente de la Croix-Lousse, bien sûr. Oui, ça monte. Et peut-être aussi l'ascension sociale à laquelle aspiraient les Canus. Mais surtout, c'est un lieu de vie intense. Regardez bien les marches, elles sont animées. C'est vrai. Des gens se croisent, s'arrêtent pour discuter, des enfants jouent. On voit des vélos appuyés contre la rampe. Chaque détail fourmille de vie et renforce cette idée de quartier animé. Et il paraît qu'il y a une histoire assez étonnante liée aux personnages qu'on voit sur cet escalier et même ailleurs sur la fresque. Quelque chose d'unique. Absolument. C'est l'un des aspects les plus originaux et poétiques du mur des Canus. C'est une fresque évolutive. Certains personnages qu'on voit aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'en 1987 ou 1997. Ils ont vieilli. Vieilli? Comment ça, vieilli? Littéralement? Oui, oui, littéralement. Cité Création a eu cette idée géniale de faire évoluer certains habitants peints de la fresque. L'exemple que les artistes donnent souvent, c'est celui d'un jeune homme à vélo, dans la première version. D'accord. Dans la version de 1997, on pouvait l'imaginer devenu père, peut-être avec un enfant, et dans la narration visuelle proposée en 2013, eh ben, on peut l'interpréter comme étant devenu grand-père. Incroyable! C'est une manière formidable de signifier que la fresque n'est pas figée, qu'elle respire au rythme du quartier, de ses habitants. Comme un album de famille géant qu'on mettrait à jour tous les 10 ou 15 ans. Ça transforme ce mur en un document social unique, une chronique visuelle de l'évolution du quartier. C'est une idée formidable et assez émouvante, ouais. Ça donne une profondeur temporelle inattendue. Continuons notre ascension visuelle. Si on se concentre sur la partie droite de la fresque, qu'est-ce qui s'y distingue? Alors la partie droite, elle frappe par une présence végétale plus marquée, je trouve. Regardez ces façades. On y voit plus de balcons fleuris, du lierre qui grimpe le long des murs. Ah oui, c'est plus vert. Voilà, elle sent plus verte. Ça reflète peut-être une conscience écologique qui grandit dans la ville. Et d'ailleurs, un indice de cette évolution a été ajouté lors de la dernière mise à jour, en 2013. Ah! Lequel? Si on cherche bien, on peut repérer un Vélov, le vélo en libre-service lyonnais. Le Vélov, bien sûr. C'est un petit détail, mais c'est significatif. Ça montre l'adaptation de la fresque aux nouvelles réalités urbaines, aux mobilités douces. Encore un signe que la fresque vit avec son temps. Est-ce qu'il y a d'autres détails un peu amusants à chercher de ce côté-là? Oui. Pour les observateurs attentifs et ceux qui aiment les clins d'œil, cherchez sur un petit muret, dans cette zone droite, il y a deux perroquets colorés. Des perroquets. Oui. Oui, ils ont l'air de discuter tranquillement. C'est une petite signature, un peu humoristique et décalée, des artistes. Une récompense pour ceux qui prennent le temps de scruter les détails. Des perroquets à la Croix-Rousse, fallait oser, hein. Et si notre regard se déplace maintenant vers la gauche de la composition, quel secret elle nous réserve? La partie gauche est aussi très riche en détails significatifs. Parmi les nombreuses fenêtres peintes, essayez d'en repérer une qui laisse entrevoir l'intérieur d'un atelier de peintre, avec un chevalet d'étoiles. Ah oui, une mise en abîme. Exactement. C'est fascinant. La fresque, qui est elle-même une œuvre peinte, nous montre l'acte de peindre en son sein. C'est un hommage au travail des artistes de Cité Création, et puis un rappel ludique de la nature même de ce qu'on est en train de regarder. L'art qui se regarde lui-même, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a des hommages plus personnels ou locaux de ce côté? Oui, tout à fait. Sur les marches de l'escalier, de ce côté gauche, ou juste à côté, les Lyonnais et les habitués du quartier reconnaîtront peut-être la silhouette de Jean-Marc Lebian. Le chanteur de rue? Oui, c'était une figure locale, un chanteur de rue très connu, très apprécié ici à la Croix-Rousse. Son intégration dans la version de 2013, c'est un hommage posthume touchant. Ça ancre encore plus la fresque dans son territoire humain. Très beau geste. Et un autre détail témoigne de cet ancrage. Cherchez une petite plaque peinte, assez discrète, près des escaliers. Elle mentionne Habitat et Humanisme. L'association? Oui, une association lyonnaise très engagée dans la lutte contre le mal-logement. C'est un signe de l'attention portée par les artistes aux réalités sociales, solidaires du quartier. Tous ces détails donnent vraiment beaucoup de profondeur humaine à l'ensemble. Il est temps maintenant, je crois, de lever franchement les yeux, tout en haut de la fresque. Que nous révèle le sommet de cette immense peinture? En levant le regard, oui, la perspective s'ouvre encore. On découvre d'autres immeubles qui semblent s'étager plus haut sur la colline. Ça crée une impression de profondeur, d'étendue. Et c'est dans cette partie supérieure qu'on retrouve peut-être le plus clairement les caractéristiques architecturales typiques de l'habitat canute dont on parlait au début. Les hautes fenêtres? Voilà, ces rangées de hautes et larges fenêtres, destinées à inonder les ateliers de lumière. Et cette impression de volume intérieur important, avec les plafonds élevés. On retrouve l'architecture du travail de la soie. Et ces murs qu'on voit qui semblent retenir la terre. Exactement, ces murs de soutènement peints, c'est un rappel important de la topographie spécifique de la Croix-Rousse. C'est une colline, hein, avec des pentes parfois raides, qui nécessitent ce type d'ouvrage. Et techniquement, pour créer l'illusion à cette hauteur. Eh bien, à cette échelle, pour que l'illusion de distance et de hauteur fonctionne, les artistes de Cité Création ont dû maîtriser parfaitement toutes les techniques de la perspective. Le dessin précis des lignes de fuite qui convergent vers des points lointains. Le jeu subtil des ombres portées qui donnent du volume, qui détachent les bâtiments les uns des autres, les décrochements des façades qui créent des plans successifs, c'est un véritable tour de force technique et artistique à cette échelle monumentale. C'est vrai que l'effet est saisissant, on a vraiment l'impression que le quartier continue derrière le mur. Ça nous ramène à cette idée d'une œuvre vivante qui évolue. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce processus d'actualisation? Oui, c'est un point fondamental pour comprendre le mur des Canuts. Il n'est pas une œuvre figée, créée une fois pour toutes en 87. Cité Création l'a consciemment conçue comme une œuvre dynamique, destinée à être réactualisée périodiquement. D'accord. Les mises à jour de 97 et 2013, ce ne sont pas de simples restaurations, ce sont de véritables recréations partielles. Et pourquoi ce besoin de la faire évoluer? Pourquoi la changer? Tout simplement pour qu'elle reste un miroir fidèle de son quartier. En 10 ou 15 ans, un quartier, ça change. Oui, c'est vrai. Des façades sont ravalées, la végétation pousse ou elle est modifiée, de nouvelles habitudes de vie apparaissent, comme le vélo en ville, on en parlait, la mode vestimentaire évolue, des personnalités locales marquent leur époque. Donc la fresque intègre tout ça, hein. Voilà, elle intègre ces transformations pour ne pas devenir une image obsolète, déconnectée de la réalité autour. On a déjà parlé de la végétalisation, du vélo, et bien sûr de ces incroyables personnages qui vieillissent. La fresque se met à jour comme le quartier qu'elle reflète. C'est une démarche artistique assez unique quand même pour une œuvre de cette taille. Est-ce qu'il y a un moyen de voir concrètement ces évolutions? Oui, et ça c'est une super astuce pour ceux qui sont sur place. Juste au pied du mur, il y a un passage couvert. Ah oui. Sous ce passage, on peut trouver des panneaux explicatifs, avec des illustrations. Et ces panneaux montrent des photos des versions précédentes de la fresque, celles de 87 et 97. Génial. Le jeu des différences géant. Exactement. C'est l'occasion parfaite de jouer au jeu des 7 différences à grande échelle et de mesurer concrètement comment l'œuvre s'est métamorphosée au fil des décennies. On voit vraiment les changements de style, les personnages ajoutés ou modifiés, l'évolution des couleurs. C'est très instructif. Super astuce, merci. Bon, voilà, notre exploration guidée touche à sa fin. On a traversé ensemble, peut-être un peu vite, les différentes strates de ce mur exceptionnel. C'est un voyage fascinant, hein, à travers l'histoire des canuts, du travail de la soie, mais aussi une immersion dans la vie grouillante actuelle de la Croix-Rousse, ce quartier qui se met en scène ici comme sur un immense théâtre urbain à ciel ouvert. Le mieux maintenant, c'est sans doute de prendre le temps, de s'approcher encore, de choisir un détail qui nous intrigue, un balcon fleuri, un personnage au regard pensif, le reflet dans une vitre peinte, et de se laisser simplement happer par la magie de l'œuvre, se laisser prendre au jeu subtil de l'illusion. Tout à fait. Et pour conclure, peut-être une petite réflexion à emporter, en continuant l'observation. Ce mur des Canus, avec sa foule de personnages, ses fenêtres ouvertes sur des intérieurs suggérés, ses scènes de vie, ce n'est pas seulement un décor inerte qu'on regarde passivement. Non. Il dégage une présence, je trouve, presque palpable. On pourrait dire que c'est une représentation du voisinage qui, d'une certaine manière un peu étrange et poétique, semble aussi nous observer, nous, les passants, les visiteurs. Ah oui, vrai. C'est un peu comme si tout un quartier peint posait son regard sur nous. Une sorte d'interaction silencieuse entre l'art et la vie. Une pensée intrigante. Merci beaucoup pour cette exploration vraiment éclairante. Mais je vous en prie, bonne continuation dans votre découverte personnelle du mur des Canuts.